Allora lascio la parola alla professoressa Darras Bons, ringraziandola ancora tantissimo per aver accettato il nostro invito e per essere venuta qui ad onorarci con la sua presenza. Je vous remercie, excusez-moi, bonjour, je suis désolée de ne pas parler italien, un tout petit peu, donc je n'ose pas parler italien, donc voilà, je vais parler en français. Je voulais remercier mes collègues Angela et Rocco pour cette belle invitation, je suis très honorée, et je vous remercie aussi monsieur le directeur de nous accueillir ici, et je suis très impatiente de connaître, de savoir, de discuter, d'échanger avec vous autour de votre Ok, allora si scusa di non poter parlare in italiano, sono molto onorata di essere qui, ringrazio i colleghi Rocco Ronchi e Angelo Longo per l'invito e l'organizzazione del convegno e il direttore del Dipartimento Simone Gozzano, è impaziente di poter discutere insieme agli altri partecipanti al convegno delle questioni che verranno affrontate durante queste due giornate. Le point de départ de mon exposé, ce sont les phrases de Bergson, et plus largement ces passages du cours sur Plotin que Bergson a professé probablement à l'École normale supérieure dans les années 1898-1899 et qui sont publiés dans le volume 4 des cours de Bergson sur la philosophie grecque. Allora, il punto di partenza della mia relazione saranno alcune frasi di Bergson, più specificamente. Alcune frasi che sono contenute nel corso che Bergson fece su Plotino nel 1898-99 e questo. Plus particulièrement dans ce cours, c'est le chapitre qui a été intitulé Théorie de la conscience qui m'intéresse et ces phrases que je vais citer un peu en exergue, mais qui vont guider l'exposé. Allora, in particolare, il capitolo all'interno di questo corso è intitolato Teoria della coscienza. Je vais citer deux phrases. La première, la vérité est que Plotin est le seul des philosophes anciens qui ait cherché à élucider le concept de conscience, à étudier le fait de la conscience, indépendamment de la pensée. Allora, citerò in particolar modo due frasi, la prima di sempre di Bergson ovviamente, che afferma a proposito di Plotino essere l'unico filosofo dell'antichità che ha tentato di delucidare il fenomeno, il fatto della coscienza. E la deuxième frase? E? Scindendolo dal pensiero. Voilà, e la deuxième frase, qui paraît importante aussi. Pour cette cause, il n'a pas trouvé de terminologie arrêtée, de là de grosses difficultés, et on comprend que les historiens de la philosophie s'y soient trompés. Non ha trovato una terminologia precostituita per affrontare questo problema. Questa è la ragione per cui gli storici della filosofia non hanno compreso bene il suo contributo. Alors, c'est en lien avec le traité 53, 1-1, le traité 53 qui est à l'origine de ce colloque, que l'on peut s'interroger évidemment sur la théorie de la conscience et sur cette émergence d'une théorie de la conscience chez Plotin, puisque la question du traité 53, la question du connais-toi toi-même, qui est au fondement de ce traité, donc la question de savoir qui est ce toi, ou Plotin dira ce nous, donc connais-toi toi-même, évidemment cette question recouvre celle de la conscience de soi. Allora, se non posso scadere io, se è troppo plotiniano, dico, sì, vai, vai. Io provo, allora, relativamente al trattato 53, qui ho un po' di difficoltà nel testo, perché non ho seguito con tutto il passaggio. Nel trattato 53 sul vivente Plotino si interroga sulla coscienza e qui è il trattato 53 sul vivente quello che ha dato lo spunto al convegno stesso. Però continua tu Daniele, quando hai problemi me lo dici, lo dici a loro. Dans ce cours personne cite un certain nombre de phrases de Plotin sur la conscience, des textes fondamentaux, et parmi eux, il cite un passage du traité 31 sur la beauté intelligible, un passage sur lequel je vais m'appuyer maintenant. La question du beau par rapport à cette théorie de la conscience, elle est importante, mais elle est quand même annexe. Ceci dit, elle apporte des éléments d'explication qui me paraissent intéressants, et c'est pour ça que je choisis de parler de ce passage. Allora, Bergson cita diverse frasi sulla coscienza di Plotino, e in particolar modo il passaggio all'interno del Trattato 31 sulla bellezza intelligibile, dove la questione della bellezza è senz'altro importante, ma in qualche modo è un po' accessoria, e che gli sembra costituire comunque un punto di partenza rilevante per affrontare la questione. Donc l'idée c'est de voir un peu comment cela fonctionne de près en revenant au texte de Plotin et très modestement parce que je ne suis pas du tout spécialiste de Bergson, simplement fournir des éléments qui permettent de comprendre et d'éclairer le sens et l'enjeu des analyses bergsoniennes. Je laisserai aux bergsoniens le soin de tirer les conséquences qu'ils voudront. Allora, sì, si tratta un po' di vedere la funzione da vicino di questo testo, modestamente, perché appunto la professoressa dice di non essere uno specialista del pensiero bergsoniano e di provare a comprendere e chiarire quali sono le poste in gioco del pensiero che teniamo, lasciando anche poi agli specialisti di questo autore il compito un po' di affrontare più specificamente la questione. Je vais juste replacer dans un contexte très général ce passage du traité 31, le chapitre 11. En gros, l'idée, ce que veut montrer Plotin dans le traité 31, c'est que le monde intelligible est beau, et parce qu'il est le modèle du monde sensible, ou plus exactement, parce que le monde sensible est l'image du monde intelligible qui est beauté, nécessairement, contrairement à ce que soutiennent les gnostiques, le monde sensible est beau. Allora, per cercare di chiarire il contesto di questo capitolo 11 che si trova nell'ottavo 31, si tratta innanzitutto di comprendere come l'intento di Plotino sia in qualche modo mostrare come il mondo intelligibile e bello, come il mondo sensibile sia fatto l'immagine del mondo sensibile e del mondo intelligibile, scusate, e affermare questa tesi contro la posizione degli gnostici. Plus précisément, on est ici dans la sixième partie du traité. Plotin a décrit et démontré la beauté du monde intelligible, a exposé une méthode pour comprendre, appréhender le monde intelligible, qu'il a défini ensuite comme puissance totale qui possède l'être et la beauté. Et dans la sixième partie, il s'interroge sur la vision du monde intelligible et de l'intellect. Allora, in questa sesta parte del trattato, viene descritto e dimostrato, dopo aver descritto, dopo che Plotino ha descritto e dimostrato la bellezza del mondo intelligibile, si assiste all'esposizione del metodo per comprendere il mondo intelligibile nei termini di una potenza totale che presiede l'essere e la bellezza. Dans cette sixième partie, il commence comme souvent par commenter Platon et plus précisément ce passage du Phèdre de Platon où l'on voit Zeus aller à la rencontre, si on peut dire, cheminer vers le monde intelligible. Come spesso accade in Plotino, si inizia attraverso un commento di un testo platonico, in particolar modo del Fedro platonico, dove in particolar modo si vede Zeus. Si vede Zeus che va verso il mondo intelligibile. E là, dans le chapitre 11, donc, c'est la vision intelligible qu'il expose, comment voir. Et puisque ce monde que l'on voit est un monde entièrement, totalement beau, comment voir le beau? Et c'est là que la théorie, pour reprendre l'expression bergsonienne, c'est là que la théorie de la conscience intervient. Allora, nel capitolo 11 appunto si parla della visione intelligibile, di come si vede e di come si vede il bello, ed è qui, per riprendere l'espressione bergsoniana, che interviene la teoria della coscienza plotiniana. La vision que l'on peut avoir du monde intelligible est une vision spécifique, c'est un type spécifique de vision. Je cite la fin du chapitre 10 qui précède immédiatement notre texte. Ceux qui ne voient pas la totalité ne reconnaissent que l'impression extérieure, tandis que ceux qui, à travers tout leur être, sont comme enivrés et remplis de ce nectar, puisque la beauté s'étend à travers l'âme tout entière, ceux-là ne sont plus seulement des spectateurs. Et c'est sur cette phrase, c'est pas exactement la toute fin du chapitre, mais c'est sur cette phrase que je voudrais m'appuyer. Ceux qui voient ne sont plus simplement des spectateurs. Allora, la fine, viene citata la fine del capitolo 10, cioè la parte immediatamente precedente a quella di cui si parlava poco fa, e si afferma, citazione, quelli che non vedono il tutto credono soltanto alla loro impressione esteriore, ma quelli che sono, per così dire, ebbri e sazi di nettere, poiché la bellezza ha pervaso tutta la loro anima, non sono più semplici spettatori. Alors, je vais suivre pas à pas le chapitre 11. Seguirà passo per passo il capitolo 11. Il y a deux moments dans ce chapitre. Un premier moment dans lequel Plotin explique en quoi consiste la vision du monde intelligible. C'est une vision intermittente. Et le deuxième moment où il répond à la question d'un interlocuteur fictif, comment être dans le beau sans le voir? Allora, ci sono due momenti in questo capitolo. Il primo momento in cui Plotino spiega in che cosa consiste la visione del mondo intelligibile, e si tratta di una visione intermittente. Nel secondo momento invece Platone spiega, e Plotino spiega, risponde ad un interlocutore fittizio e spiega come essere nel bello senza vederlo. Le premier moment, ce sont les alors les deux premiers paragraphes dans la traduction française, les trois premiers paragraphes dans la traduction italienne. Ça, c'est le premier moment du chapitre. Et le deuxième moment, c'est la suite. Donc, premièrement, de la ligne 1 à 20, en gros, et ensuite jusqu'à la fin du chapitre. C'est du moment que j'ai distingué. Allora, i due momenti sono disposti della maniera seguente: i due primi paragrafi della traduzione francese e i tre primi paragrafi della traduzione italiana. Evidentemente il secondo momento è la parte seguente a questi paragrafi. Alors, on commence par cette vision qui est une vision inconsciente et intermittente. Allora, si comincia da questa visione, da una visione incosciente e intermittente. Plotin, dans un premier temps, la décrit, puis il indique la méthode qui permet de l'obtenir. Il décrit ainsi l'alternance entre des états de conscience et des états d'inconscience. Alors, in un primo momento, Plotino descrive e indica il metodo per ottenere questa visione e la descrive nei termini di una visione incosciente. E in un secondo momento indica l'intermittenza tra queste due visioni. Les états de conscience correspondent à des états de dédoublement, de scission, le terme grec c'est schissas, participe, des états de dédoublement, de scission, où l'on a conscience à la fois de l'objet de cette vision, c'est-à-dire soi-même, et du fait d'être soi-même le sujet qui voit. Alors, c'est juste, je voulais citer là les deux premières phrases. L'un d'entre nous, je le cite en français, incapable de se voir lui-même, dès lors que saisi par ce Dieu-là, il projette l'objet de sa contemplation afin de voir, c'est lui-même qu'il projette, et c'est sa propre image embellie qu'il regarde. Allora, Plotino descrive questi stati di coscienza come stati che corrispondono a una situazione di sdoppiamento e di scissione. Il termine greco è schisas. Una scissione in cui il soggetto è, per così dire, cosciente tanto dell'oggetto che del suo essere soggetto di questo oggetto. E poi c'è una citazione. Ma se uno di noi è incapace di vedere se stesso e, posseduto dal Dio Supremo, trasferisce fuori di sé la sua visione per poter vederla, egli trasferisce fuori di sé anche se stesso e guarda soltanto la propria immagine abbellita. Cette opération de vision n'est pas comparable à celle de la vision sensible, car elle est vision consciente d'elle-même, c'est-à-dire que l'on a conscience de voir. Ou bien, si on veut établir une comparaison, ce peut être avec ces moments où, dans le sensible, il arrive que l'on se voit soi-même, comme c'est le cas lorsqu'on se regarde dans un miroir ou que, tel Narcisse, on contemple son propre reflet à la surface de l'eau. Allora, questa visione non è identica alla visione sensibile, nella visione in cui non si ha soltanto, come dire, coscienza di ciò che si vede, ma anche del fatto che si sta vedendo. E poi io ho bisogno. Io mi sono spostata. Daniele, citazione? Va bene, okay. Ha detto che va bene. Non c'è citazione? Tappa de citazione dalle texte. No, no, no, ok, no. C'est bon. De fait, le mythe de Narcisse est présent ici indirectement à travers l'emploi de l'expression l'image embellie, puisque l'on sait qu'il fut frappé par la beauté du visage qu'il voyait réfléchi, dont il ignorait que c'était le sien. La différence, cependant, entre le mythe et son interprétation ou son usage par Plotin réside dans le fait que l'image sur l'eau n'est qu'un reflet trompeur, comme on le constate dans d'autres allusions similaires, dans d'autres traités. Alors, c'è qui un riferimento all'interciso e all'espressione secondo la quale in questo mito l'immagine abbellisce, come tutti sanno a proposito del mito di Narciso. Narciso in qualche modo non riconosce l'immagine riflessa nell'acqua, il suo stesso volto, però c'è una differenza rispetto all'interpretazione e all'uso che ne dà Plotino, nella misura in cui Plotino insiste sul fatto che l'immagine riflessa è in qualche modo un'immagine, tra l'altro, così liberamente inautentica. C'est important de noter que ça n'est pas une belle image, mais une image embellie. Si cette image est embellie, c'est parce que l'objet de vision, ici, dans ce chapitre du traité, et au moment où a lieu cette opération de vision, cet objet est un objet non sensible. C'est-à-dire que c'est un objet qui est intelligible, c'est soi, mais soi, non pas le corps, mais l'âme ou l'intellect. Il s'agit donc de l'âme dans sa partie intelligible. Plotin a dit, par exemple, un peu plus tôt dans le traité, « Si tu t'es vu toi-même comme beau, souviens-toi. » Alors, l'important est de distinguer entre l'image belle et l'image abbellita, parce que ici, ne va non di un oggetto non sensibile, ma di un oggetto intellegibile, e appunto del fatto che l'anima incontra se stessa. L'anima, la parte intellegibile dell'anima. Incontra la parte intellegibile dell'anima, e secondo l'affermazione di Plotino, se si vede, se l'anima vede se stessa nella sua parte intellegibile, Plotino, come dire, esorta a ricordarsi. Si l'état de conscience implique une différenciation et une extériorisation de soi, celui d'inconscience, quant à lui, est celui où objet et sujet ne sont plus ni distincts ni distingués. C'est l'union totale de soi avec soi, et il s'agit du plus haut degré de contemplation. Alors c'est... Je vais juste citer les lignes 4 et 7. Puis il abandonne cette image qui est pourtant belle et vient constituer une unité avec lui-même, et comme il n'opère plus de scission, il est alors ensemble un et tout avec ce Dieu-là qui est présent en silence, et il est avec lui autant qu'il le peut et le veut. Alors, oui, bien sûr. C'è una differenza tra lo stato di coscienza, in quanto questo si costituisce come differenziazione e esteriorizzazione, e invece lo stato di incoscienza, che è un'unione di sé con sé, di indistinzione. E poi c'è una citazione. Segue immediatamente quella che abbiamo letto precedentemente. Se però abbandona tale immagine, per quanto sia bella, e raggiunge l'unità con se stesso, senza dividersi, egli è uno e tutto nello stesso tempo, insieme con Dio, che è presente nel silenzio e se ne sta con lui sino a che può e desidera. Celui qui s'est vu lui-même à l'extérieur réunit donc celui qui l'avait séparé et se concentre en lui-même. La tension et la concentration de l'âme sont extrêmes, comme on peut le constater en observant de près l'écriture de Plotin. È lui il soggetto di questa visione che si vede riunito e si concentra in se stesso. E questa concentrazione si coglie anche nella stessa scrittura di Plotin. Je vais juste faire quelques remarques de style sur cette phrase qu'on vient de citer. C'est une longue phrase qui est constituée d'une assertion centrale exprimée au présent. Il est alors ensemble, un et tout, avec ce Dieu-là. On retrouve ici l'expression figée, homo quanta, un et tout, que Plotin utilise souvent pour désigner l'intellect, et on pense au hen polos du Parménide, un multiple du Parménide. C'est une expression figée qui est donc associée sans coordination avec l'autre attribut hen. Et cette assertion est précédée, alors en grec, la traduction française ne le montre pas parce qu'on n'a pas cet usage-là du temps, du mode en français, mais en grec, cette assertion donc au présent est précédée d'une succession de participes aoristes qui marquent l'instantanéité, participes dont le contraste avec l'emploi du présent est révélateur, comme est aussi le syntagme qui suit, qui décrit la présence silencieuse du Dieu. Et le rythme très soutenu des participes à l'aoriste ralentit tout d'un coup avec la pause constituée par les deux syntagmes au présent. Allora, serie di notazioni stilistiche sul passo appena letto, questo lungo passo. E insomma, confesso che all'inizio di un po' delle. Lo faccio io. Riportare tutte. Allora, il passo si costituisce di un presente dove c'è scritto che il soggetto è tutt'uno con se stesso, cioè la presenza silenziosa del Dio, ma il modo dell'indicativo presente è preceduto da una serie di, in greco, di participi aoristi che indicano l'istantaneità, e quindi c'è una successione anche concitata di istanti che poi si risolve in questo presente statico. E ha citato la professoressa due espressioni in greco che hanno un pedigree e sono omu panta, tutte le cose insieme, che deriva da Anassagora, e hen polla, uno e molteplici, che deriva dal Parmenide di Platone. Grazie mille. Le mouvement décrit ici est le fait non pas seulement de la partie intelligible de l'âme, mais de l'âme totale, ramassée en elle-même, qui se fait tout entière intellect. Le Dieu dont il est question est en effet toujours l'intellect. Ce n'est pas, ou pas encore, l'un. Allora, il movimento di cui è questione in questo passo non è solo il movimento della parte intelligibile, ma dell'anima totale che si fa per questo intelletto. E dunque il Dio di cui ne va è un Dio intellettuale. Distinto dall'uno. Che sta sopra. On peut comparer ce passage avec le premier chapitre du traité 6, très célèbre, dans lequel Plotin décrit précisément une expérience d'union avec l'intellect. On retrouve, par exemple, ici aussi, le terme « absophéti » dans le silence. Il s'agit d'une contemplation silencieuse parce que l'on n'est plus au niveau de la dianoïa et donc au niveau du discours. Alors, si pour... Oui. Si può comparare questo passo con un passo molto celebre del Trattato 6, in cui si descrive l'esperienza di unione con l'intelletto e di contemplazione silenziosa che essa comporta. La description suit alors de près les différents moments de l'expérience de contemplation, qui est un véritable moment d'un exercice spirituel. On revient en effet à la ligne 7, à l'état de conscience, puisque de l'unité, on retourne à la dualité. Allora, la descrizione si vede vicino all'esperienza di contemplazione, che è un vero e proprio esercizio spirituale, e nel passo si assiste a un movimento che va dall'unità in seguito alla dualità. Ce retour à la dualité a été préparé dès la fin de la phrase précédente, où il est fait allusion à la difficulté de maintenir de façon durable l'état d'union contemplative totale. Plotin dit « Il est avec lui autant qu'il le peut et le veut. » Questo Ritorno alla dualità è preparato da una fase precedente in cui si fa allusione alla difficoltà di mantenere lo stato di unione permanente e Plotino afferma che questo stato di unione è mantenuto fin tanto che lo può e lo vuole. Mais il y a une différence sensible par rapport à l'état de vision consciente qui a été décrit au début du chapitre. Un progrès a été fait qui correspond à la progression même de l'exercice spirituel, et c'est pourquoi Plotin parle ensuite du gain ainsi obtenu. Je cite, ligne 9, « Mais s'il se retourne pour être deux, tout en demeurant pur, il se place juste après lui, de façon à lui être présent de cette façon-là à nouveau, s'il se tourne à nouveau vers lui. » Allora, c'è un riferimento alla differenza sensibile in rapporto allo stato di visione cosciente e al fatto che però in questo processo si ottiene una sorta di guadagno e citazione. Credo sia questa, ma se si rivolge verso la dualità, egli è sempre, finché rimane puro, vicino a lui e torna ancora nel suo essere, purché si rivolga nuovamente a lui. On pourrait résumer cette troisième phase de la manière suivante. Une fois que l'on a vu de cette façon, on veut voir à nouveau. La vision engendre le désir de la vision, et sans doute la conscience est-elle aussi la conscience du manque. Si possiamo riassumere questa terza fase nella maniera seguente. Una volta visto, si vuole vedere ancora. La visione genera il desiderio della visione. C'est en effet en ces termes que Plotin expose ce que gagne celui qui se retourne. Je cite. Au début, il se perçoit, et le terme grec est aisthésis, au début, il se perçoit lui-même aussi longtemps qu'il est différent de lui-même. Mais lorsqu'il revient en toute hâte vers l'intérieur, il possède tout, et comme il a abandonné derrière lui cette perception par crainte d'être différent de lui-même, il est un là-bas. Puis, s'il désire se voir comme un objet différent de lui-même, il se place lui-même à l'extérieur. Allora, Plotino esprime in questi termini il guadagno di colui che ritorna dal suo stato di visione e cita. Allora, in questo suo rivolgersi alla dualità, egli ha ottenuto questo vantaggio. Anzitutto viene ad avere una percezione di se stesso così da essere distinto da lui. Ma in seguito, ritornando nel suo intimo, ripossiede tutto in tal modo, rigettando la percezione, torna indietro temendo di essere differente da lui e ridiventa uno lassù. È una risoluzione molto diversa per lei. Sì, è andante. Il cambio di percezione veniva fatto notare a La crainte et la précipitation vers l'intérieur traduisent en effet le désir de recouvrer la plénitude qui a été éprouvée lors de la contemplation totale. Alors il possède tout, cette plénitude, cette satiété où il n'y a plus de désir. Allora, la precipitazione da questo stato in qualche modo coincide con il desiderio di ritrovare la pienezza e la sazietà che caratterizzavano appunto lo stato di visione precedente. Après avoir décrit le processus de la contemplation, Plotin indique maintenant la méthode qui permet de parvenir à cet état. C'est le moment de la parénèse, c'est-à-dire du conseil, de la ligne 13 à la ligne 19. Il faut que deux étapes sont nécessaires et Plotin part à nouveau de la première des deux, c'est-à-dire de l'état qui précède la contemplation inconsciente. Il faut en effet tout d'abord saisir l'objet en usant de l'intellection et du jugement, puis, c'est la seconde étape, se donner soi-même et non plus voir, c'est-à-dire être sujet de la vision, mais devenir objet de la vision. Alors, dopo aver descritto la contemplazione, descrive il metodo per ottenerla e il momento della paramnesi. E che consta di mi sembra capito, di due momenti fondamentali. Un momento che è una sorta di sforzo di intellezione, e un secondo momento invece in cui da una condizione di soggettività si passa a una condizione di oggettività della visione, cioè da quello dell'essere oggetto di questa visione. C'est donc dans les lignes 13 à 16 l'état de conscience qui est décrit en premier. Le champ lexical de l'intellection et du jugement porté sur les objets montre que ce moment est celui de la dialoga, de la discursivité. Il s'agit de la pensée consciente d'elle-même. L'empreinte, tupos, désigne l'intellect sous l'espèce de la forme intelligible. Allora, dalle righe 13 alla riga 16 viene descritto lo stato di coscienza e il campo lessicale convocato in questo passo è un campo lessicale che ha a che fare con la dimensione dell'intellezione, della discorsività. E, questo. Della diambi. Ce processus cognitif aboutit à la prise de conscience de la nature de l'objet pensé. Mais cette nature est définie par une expression qui renvoie davantage au sentiment ou à l'émotion qu'un pur acte d'intellection. Cette réalité dans laquelle on pénètre est la plus haute béatitude ou encore une chose suprêmement bienheureuse. Le terme créma montre qu'en réalité, créma qui veut dire juste chose, montre qu'en réalité, il devient difficile de définir de façon précise cet objet auquel on va ensuite s'unir. L'adjectif makariston fait signe vers la nature, entre guillemets, mystérieuse, en tout cas proprement inexprimable, indicible, de cet objet. Et on se souvient que dans le banquet, Platon avait aussi recours à des expressions imagées, à des métaphores, pour désigner le beau en soi. Allora, questo processo cognitivo viene descritto come una presa di coscienza dell'oggetto che ha a che fare con appunto un oggetto designato con la parola crema, che significa crema, che con cui si tende appunto quello la dimensione della cosa. Una cosa che è costitutivamente difficile da definire, che ha una natura misteriosa, una natura inesprimibile, e si fa riferimento al simposio di Platone, dove appunto vengono dispiegate queste metafore per cercare di dare l'idea dell'inesprimibilità del bello in sé. L'emploi dell'expression se donner, par laquelle Plotin inaugure la description de la seconde étape, à la ligne 17, souligne à son tour, ou prolonge, l'aspect non intellectuel, puisque c'est de l'ordre du désir, que revêt l'expérience du second type de vision. À partir de la ligne 17, le mouvement se fait introspectif et la conversion transforme le statut du sujet qui voit. Allora, l'impiego dell'espressione, di un'espressione specifica, ovvero l'espressione darsi, donarsi, che caratterizza la seconda parte di questo processo, fa riferimento all'aspetto non intellettuale che ha a che fare con il desiderio di questa visione. E dalla linea 17 in particolar modo, viene accentuato questo aspetto passivo, insomma, del processo. Ce n'est plus un sujet qui regarde à l'extérieur et qui objectivise ce qu'il voit, mais un sujet qui s'objectivise lui-même en lui-même et qui, de sujet voyant, devient objet vu. Cette vision de soi suppose donc un voyant tout à fait différent, qui est identique à l'objet et qui est autre que ce qu'était le voyant. C'est ce que dit Plotin aux lignes 17-18. Il faut en effet devenir alors, au lieu d'un sujet qui voit, un objet de contemplation pour un autre qui contemple. Allora, considerate un processo in cui un soggetto guarda all'esterno, in qualche modo guarda un oggetto che è fuori di lui, ma è un processo in cui il soggetto si oggettivizza in se stesso. È una visione che in questo processo si produce letteralmente una visione che è identica all'oggetto. E Platone appunto, parla appunto di un vedente diverso. Una volta che si è oggettivato, il vedente stesso è cambiato. Diventa l'oggetto di contemplazione di un altro. Cioè, sempre lui soggetto, ma che si è trasformato dal momento in cui è diventato l'oggetto della sua stessa contemplazione. La transformation est totale et achevée lorsque, dit Plotin, mon rayon de pensée, tel que celle qui vient de là-bas. L'emploi du verbe rayonner, eklamphein en grec, est révélateur, puisque c'est précisément le verbe qu'utilise toujours Plotin pour définir l'activité de l'intellect, qui illumine toute chose à partir de, ek, à partir de cette source lumineuse qu'il est lui-même. Le voyant, c'est l'âme, est donc devenu lui-même tout entier intellect grâce à la contemplation. Allora, la trasformazione totale e completa in questo punto, e anche l'utilizzo di un determinato verbo che in francese è rayonner, clampen, rayonner, risplendere, cioè mandare luce emanare, da dentro a fuori, irradiare. Si diceva che per santa luce così eterna. E a partire da questo il vedente è divenuto interamente intelletto. Cela signifie que le voyant, à proprement parler, ne voit plus, parce qu'il n'a plus à exercer sa vision. D'où l'objection à la ligne 19, mais comment sera-t-on dans le beau si on ne le voit pas? À cette question, Plotin répond en deux temps. A questo punto si afferma addirittura che il vedente in qualche modo non vede più. E sorge appunto l'obiezione, come rendersi conto di essere nel bello se il vedente a questo stadio del processo in qualche modo perde la sua stessa visione. Il donne d'abord une réponse synthétique qui s'appuie logiquement sur les conclusions de l'exposé qui a précédé. Ligne 20-21. Si on le voit comme différent de soi, on n'est pas encore dans le beau, tandis que si on est devenu le beau, c'est de cette manière que l'on est au plus haut point dans le beau. Puis il expose les conséquences de cette affirmation. Allora, a questa obiezione Plotino dà una risposta che si fonda logicamente sul passo precedente, essendo una citazione. Certamente. Quindi la domanda è: ma come uno può essere nel bello senza vederlo? Risposta di Plotino. Certamente, fino a che tu non vedi il bello come altro da sé, non è ancora nel bello. Ma se è diventato bello, soltanto allora egli è al massimo grado nella bellezza. Donc Plotin maintenant expose les conséquences de cette affirmation. La première conséquence est que la définition commune de la vision en général, qui suppose une extériorité de l'objet par rapport au sujet voyant, ne peut s'appliquer à la vision spécifique de l'intelligible, dans laquelle toute extériorité est nécessairement abolie et dont la caractéristique principale est d'unifier le voyant et l'objet de vision. C'est ce qu'il dit dans les lignes 21-26. Allora, Da questo seguono due conseguenze fondamentali. La prima che concerne la definizione, che concerne la messa in questione della definizione comune della visione, la quale implica necessariamente la esteriorità dell'oggetto, mentre nella visione dell'intelligibile, proprio nella misura in cui il soggetto e l'oggetto coincidono, questa esteriorità viene meno. Questa conseguenza è affrontata nelle righe 21-22. La seconda conseguenza c'est qu'il faut bien comprendre en quoi cette vision-là se différencie de l'autre, et que c'est l'occasion pour Plotin de décrire non plus le processus ou la méthode propre à cette vision d'un genre nouveau, comme il l'a fait plus haut, mais plus précisément la nature de cette vision, ce qui lui permet de définir cet état d'inconscience qui est en réalité celui de la connaissance ou de la conscience à son plus haut degré, d'une conscience à ce point consciente d'elle-même qu'elle s'abolit, par opposition à celui de la conscience, à l'état antérieur, état de conscience, mais inférieur à celui-là. Et il a recours alors à une comparaison avec l'opposition entre la santé et la maladie. Allora, la seconda conseguenza per comprendere ancora la differenza tra la visione nel suo senso comune e questa visione non concerne proprio il metodo della visione e il processo, insomma, per arrivare ad ottenere questa visione, ma la natura di questa visione, ovvero lo stato di incoscienza in cui essa consiste, ma uno stato di incoscienza in qualche modo che coincide con uno stadio più alto della coscienza stessa, cioè uno stadio in cui la coscienza è dal punto cosciente di sé che si abolisce. Il a donc recours avec une comparaison avec la santé e la maladie. Le paradoxe est que plus on veut être conscient du beau, plus on s'en éloigne. Et je cite là les lignes 22-24. Il s'agit là en quelque sorte, alors, d'une conscience, le grec c'est synesis, et d'une perception intime de soi-même, où l'on prend garde à ne pas s'éloigner de soi parce que l'on voudrait avoir une perception plus importante de soi-même. Peut-être qu'on pourrait juste lire cette phrase parce qu'en fait je vais commencer cette citation. Prima ho dimenticato di dire due o tre cose, dico brevemente due cose di prima. Innanzitutto questo passo è il passo decisivo di tutta la questione che si sta affrontando e ha a che fare appunto anche con la dimensione della salute e della malattia. In secondo luogo si parla appunto di un paradosso tale per cui tanto più si vuole essere coscienti del bello, tanto più in qualche modo ce ne si allontana. Questo avvicinarsi al bello ha a che fare con una sorta di percezione intima di sé. Alors là, il y a des questions de vocabulaire qui se posent, et c'est très important, évidemment, et on retrouve ce que disait Bergson. Ah oui, il y a une citation, 22-24. Si tratta di una sorta di coscienza. Sì. Allora, dunque si tratta in qualche maniera di una coscienza e di una percezione intima di se stessa dove si prende attenzione a non allontanarsi da sé perché si vuole percepire innanzitutto se stessi. Sì, qui è questa, scusate. è molto diversa la traduzione dall'originale francese che era stato citato per quello. Perciò se il vedere riguarda ciò che è esteriore, questa non può essere visione se non in quanto si identifica la cosa veduta, ma questa, diciamo così, è intelligenza e autocoscienza, purché non ci sia il pericolo di allontanarsi da sé mediante una maggiore coscienza. Beh, non... è diversissima, è riconoscibile. È riconoscibile. È riconoscibile. È fagina. Ma là, in italiano, c'è il volume. Il volume 1. Alors, le terme que synesis, que j'ai traduit par conscience, et qui, je pense, en italien est traduit par intelligenza, c'est ça? Le termine synesis. Facciamo coscienza pure in italiano. C'est un problème. Ce terme, le synesis, c'est un terme qui peut avoir le sens plus général d'intelligence ou de compréhension, au sens très étymologique, c'est l'idée de rapprocher par la pensée, hein, d'envoyer ensemble, de rapprocher par la pensée. Et le terme supraesthésis confirme, si vous voulez, cette interprétation, ce sens plus précis du terme synesis. Voilà. Le terme synesis, ici, je le traduis par conscience, parce qu'il me semble que celui-ci s'impose dans le contexte, qui est précisément ce contexte d'une conscience de soi, d'une intimité et d'une adéquation entre le sujet et l'objet. Et le terme synaesthésis confirme cela. Si on prend en compte le préfixe, qui est commun aux deux substantifs, on comprend que la synaesthésis, c'est une forme d'union intime avec soi qui n'existe pas dans le cadre de l'intelligence, puisque celle-ci implique l'extériorité. Pierre Hadot, qui a écrit un article très important sur les niveaux de conscience dans les états mystiques selon Plotin, insiste sur le sens de ces termes. Il traduit synaesthésis par prise de conscience de soi ou encore sens immédiat. Conscience de soi, excusez-moi. Prise de conscience de soi, conscience de soi. Et il traduit synesis par sens immédiat. Prise de conscience de l'âme qui vit la vie de l'intellect. Il y a un autre terme qui signifie conscience et qui n'est pas présent ici dans ce passage, c'est antilepsis, oui, dont parle Bergson, précisément, qui implique une saisie, et donc qui est proche de la conception, de la définition bergsonienne de l'intuition, une saisie immédiate, sans contact, sans extériorité, donc totalement intérieure. Donc, on voit, oui. Alors. Il termine synesis, che viene tradotto con coscienza e che ha un senso più generale di sia, cioè c'è un senso più generale di intelligenza, di comprendere, di avvicinarsi con il pensiero, ma gli viene specificato con un altro termine che mi sembra sia synaesthesis, che ha un senso più preciso di synesis. Che appunto indica la coscienza di sé come intimità, come adeguazione dell'oggetto al soggetto, come un'intima unione con sé e che è strutturalmente differente dall'intelligenza nel senso di ciò che implica un'esteriorità dell'oggetto. A tale proposito, lo storico della filosofia Pierre Hadot ha scritto un articolo in cui si insiste in particolar modo su questo termine, che viene tradotto come presa di coscienza di sé, come senso immediato. E poi si fa riferimento ad un altro termine, che antilepsis. Antilepsis, che viene citato anche da Bergson e che viene tradotto da Bergson con un afferramento immediato e con un'accezione che è molto vicino alla nozione bergsoniana di intuizione. En revanche, Pierre Hadot dit que l'aesthésis, c'est-à-dire la simple conscience, que moi j'ai traduit, alors peut-être à tort, hein, ça se discute évidemment, c'est assez difficile, en tous les cas ça implique des notes de bas de page, par perception, justement pour le distinguer de la conscience de soi. L'aesthésis, qu'on peut aussi traduire par conscience, mais conscience. Donc, Pierre Hadot dit que c'est la conscience centrale, c'est-à-dire que ce n'est pas cette conscience suraiguë qui est une forme de la conscience. Donc, l'aesthésis, Pierre Hadot dit qu'elle est influencée par la théorie aristotélicienne du sens commun de la koiné aesthésis, qui est la synthèse des données sensibles, perception de la perception ou sentir du sentir, et qui est, comme chez Aristote, dit Pierre Hadot, étroitement liée à l'activité discursive et imaginative, celle de la dianoïa qui fait prendre conscience. Et il souligne à cet égard le rôle objectivant du langage. Alors, in compenso, l'aesthesis, che indica la semplice coscienza, ma che si propone di tradurre con percezione, invece questa traduzione certo deve essere discussa, ma è importante tenere distinta questa nozione dalla nozione di cui si parlava precedentemente di quello stadio di incoscienza, o stato di coscienza che coincide paradossalmente con l'incoscienza. E sempre a proposito di questo, Pierre Hadot fa notare come ci sia un'influenza in Plotino da parte delle teorie aristoteliche che insistono sul raddoppiamento in tempo alla percezione, sulla percezione di percezione, sul sentire di sentire e dunque sul ruolo oggettivante del linguaggio. Pour dans un souci pédagogique, Plotin donc a recours à la comparaison entre la santé et la maladie. Il utilise donc deux exemples connexes, les coups que l'on peut recevoir et les sensations qui en découlent, d'une part, les effets opposés de la maladie et de la santé, d'autre part. Allora, a scopo pedagogico, Plotino ricorre a un confronto con la differenza tra la salute e la malattia, fa riferimento ai colpi che si possono ricevere, alle sensazioni che ne derivano e appunto alla distinzione tra salute e malattia. L'état d'inconscience ou de conscience suraiguë dont j'ai parlé tout à l'heure, l'état d'inconscience est comparable en effet à l'état de santé. Lorsque nous sommes en bonne santé, nous n'en avons pas conscience. Ligne 25-29. La santé, avec sa présence, je cite, hein, la santé, avec sa présence intime et paisible, peut donner davantage une conscience d'elle-même, car elle se tient auprès de nous, puisqu'elle nous est propre et qu'elle est unie à nous. A proposito di questo stato di incoscienza, Plotino propone un confronto, un paragone con lo stato di salute, proprio nella misura in cui la salute è caratterizzata dal fatto di non avere coscienza di essere in salute. E una citazione delle righe 21 e 25. No, non è 26, 27, 29. Una malattia. Un po' più ampia, una malattia per esempio istupidisce, la salute invece, che è calma, permette meglio la percezione di se stessa perché abita in noi come a casa sua ed è d'accordo con noi, mentre la malattia è un'estranea e si rende visibile perché si manifesta decisamente differente dal nostro essere. C'è la traduzione italiana di Occhione par comme à casa sua, parce que c'est vraiment familier, c'est à la maison. Merci. vous est propre, elle vous est familière. Voilà, cette conscience d'elle-même, c'est vraiment la synesthésie et la synaesthésie dont il était question tout à l'heure. C'est, comme le dit Pierre Hadot, on a un sentiment immédiat de sa présence. Cette conscience, il s'agit de la connaissance absolue et qui renvoie à l'état d'union et d'identité avec soi, qui est le propre de la contemplation absolue de l'intellect. Par conséquent, devenir soi-même intellect ou beauté, c'est la même chose. Devenir soi-même intellect ou beauté, c'est ne plus avoir conscience de soi en tant qu'autre. C'è il riferimento alla traduzione italiana dove si parla appunto di essere a casa propria, nel senso di familiarità che appunto rende bene questa idea della salute. Poi, a proposito della questione della coscienza di sé, l'idea è quella di un sentimento immediato della propria presenza, che ha a che fare con una conoscenza assoluta che rinvia allo stato di unione proprio di quella contemplazione in cui consiste l'intelletto stesso. Et si la santé est notre état naturel et familier, il en va de même pour l'âme qui, tout entière devenue intellect, retrouve alors un état qui lui est, à elle aussi, naturel et familier. Elle recouvre en effet sa nature intelligible et n'est plus séparée d'elle-même. C'est ce que dit Plotin dans les lignes 31-33. E come la salute è il nostro stato naturale e familiare, allo stesso modo quella contemplazione dell'intellegibile in cui consiste l'intelletto è per noi una sorta di stato naturale e appunto familiare. E questo è quello che dice Platone in un passo 31 e seguente. La citation, c'est... Je pense que vous l'avez dit en français, si vous voulez, c'est... Mais ce qui nous appartient en propre, même nous, nous ne le percevons pas. Or, c'est lorsque nous sommes dans cet état que nous avons au plus haut degré conscience de nous-mêmes, puisque de la science de nous-mêmes et de nous-mêmes, nous avons fait une chose unique. Oui, alors... Eppure di ciò che è il nostro io e di ciò che gli appartiene noi non ci rendiamo consapevoli, ma proprio così noi siamo consci di noi stessi, poiché abbiamo unificato la nostra coscienza e il nostro io. Nous ne le percevons pas de façon consciente, c'est-à-dire au sens de la esthésis. C'est une conscience inconsciente. L'emploi du terme épistémé, ici, est révélateur. La science de nous-mêmes est en effet la science propre à l'intellect, l'auto-épistémé du faible, qui n'est pas différente de son objet, et dont Plotin a parlé auparavant dans le traité. Alors... Qui si parla appunto di qualcosa che non viene percepito in maniera cosciente, nel senso di aesthesis, una sorta di coscienza incosciente. E l'utilizzo del termine episteme è rivelatore. Il riferimento è ancora al Fedro e all'autoepisteme del Fedro, appunto, in cui si realizza l'unione del soggetto con l'oggetto. C'est en revanche quand l'âme se dissocie d'elle-même qu'elle retrouve une conscience de soi, qui la renvoie à l'état antérieur à son union contemplative avec elle-même, celui de la division et de l'extériorité par rapport à elle-même. En effet, lorsque nous sommes malades, nous prenons alors conscience d'être divisés, c'est-à-dire, pour parler en termes platoniciens, d'être un composé corps-âme. C'est la puissance divisible de l'âme qui s'exerce alors de façon prioritaire. Allora, nel momento in cui si dismette questa attitudine, questo atteggiamento, l'anima si dissocia da sé e in qualche modo ritrova quella dimensione di divisione che si riscontra anche nella condizione della malattia. In fondo, che cos'è la malattia se non appunto la coscienza di questa divisione, in particolar modo della divisione tra il corpo e l'anima? Nous sommes donc en présence d'un paradoxe dont les conséquences sont importantes pour la théorie plotinienne de la connaissance. La connaissance véritable, à son plus haut degré, est l'ignorance. De même que la conscience parfaite, à son plus haut degré, est l'inconscience. Comme le dit Plotin, ligne 33-34, là-bas aussi, donc, lorsque notre savoir est au plus haut degré conforme à l'intellect, il nous semble que nous sommes dans l'ignorance. Alors, ci troviamo così di fronte a un paradosso tale fondamentale della teoria della conoscenza plotiniana, per cui la più alta condizione di conoscenza coincide con l'ignoranza, e più alta condizione di coscienza coincide con l'incoscienza. Ma lassù, quando conosciamo in modo conforme all'intelligenza in maniera perfetta, ci sembra di non sapere nulla. Mais ce paradoxe se résout si l'on tient compte de la spécificité du niveau de réalité auquel on se situe. Nous croyons en effet être dans l'ignorance parce que, dit-il, nous attendons l'affect de la conscience ou de la perception qui affirme qu'elle n'a rien vu. Il ne s'agit en réalité que d'une impression, et d'une impression erronée en ce qu'elle attribue à cette vision-ci, pourtant bien différente, des effets, pathos, qu'elle ne peut en aucune manière induire, puisque ce sont ceux qui prouvent l'âme lorsqu'elle est dissociée d'elle-même. Questo paradosso si risolve nella misura in cui si tiene conto del livello di realtà al quale ci si trova. Non si tratta infatti di questa coincidenza appunto paradossale tra ignoranza e conoscenza, incoscienza e coscienza, che di un'impressione erronea. Cette impression d'ignorance et cette incertitude s'explique par le dédoublement entre un sujet qui voit et un objet qui est vu. Et c'est ce qui signifie les dernières lignes du chapitre, les lignes 36 à 40. Celui qui doute, c'est la conscience, c'est-à-dire la conscience au sens de aesthesis, tandis que l'autre, c'est celui qui voit. Ou bien, si celui-là aussi se mettait à douter, il douterait même d'exister lui-même. En effet, lui non plus ne peut se placer à l'extérieur et se voir lui-même en tant qu'objet perceptible avec les yeux du corps. L'autre dont il s'agit ici est l'intellect, ou plus exactement, l'être qui se situe tout entier au niveau de l'intellect, qu'il faut différencier de celui qui se situe au niveau inférieur et antérieur, celui de la raison discursive. Cette absence de doute, c'est ce que Pierre Hadot appelle la certitude tranquille de l'intuition immédiate. Allora, questa condizione di ignoranza e di incertezza che caratterizza la divisione tra un soggetto che vede e un oggetto visto si situa evidentemente al livello che è proprio della coscienza nel senso dell'aesthesis, mentre l'altro livello è quello proprio dell'intelletto e che è un livello strutturalmente diverso da quel livello inferiore che è proprio della ragione discorsiva. E a tale proposito, sempre Pierre Hadot parla di una certezza tranquilla dell'immediata. C'è la citazione delle ultime righe. Sì. Anche qui è molto diversa. Se la référence à l'intuition vous permet de faire la transition avec la fin de l'exposé. Il va lire la citazione italiana. Excusez-moi. E dunque la coscienza, ciò che dubita, ma ben diverso è colei che vede, perché se anche lei dubitasse, nemmeno crederebbe a se stessa. In nessuna maniera, infatti, l'intelligenza potrebbe porre se stessa al di fuori di sé e guardarsi con gli occhi del corpo come se fosse una realtà sensibile. Bergson, dans donc ce passage que je citais tout à l'heure, étudie successivement les différents sens de la notion de conscience pour Plotin, dans son coup. Et en particulier, il s'interroge sur le vocabulaire utilisé, sur la synaesthésis, dont il dit qu'elle signifie au départ communication sympathique entre la dianoïa et l'objet matériel qui va se peindre dans la représentation. C'est le premier sens qu'il distingue. Le deuxième sens, c'est le consensus et l'harmonie intérieure de toutes les parties de l'âme. Allora, nel passo appena citato, Bergson si è occupato di studiare i differenti sensi della nozione di coscienza e si è interrogato sul vocabolario, distinguendo appunto a proposito del termine di synaesthesis, distinguendo due sensi precisi. Da un lato la comunicazione simpatetica tra la dianoia e l'oggetto della rappresentazione e dall'altro il consensus, il consenso e l'armonia tra tutte le parti dell'anima. Tutte le parti dell'anima. Et donc, dans un troisième temps, il montre que, à partir de ce deuxième sens, on s'oriente vers le sens vraiment de conscience, dont il dit que la synaesthésis, pour Plotin, c'est l'aesthésis d'une pluralité. Et il souligne que, d'une certaine manière, Plotin est un précurseur de la conception moderne de la conscience au sens de synthèse, d'assimilation, de communication sympathique de toutes les parties de l'âme. Allora, il senso vero di coscienza è appunto sempre secondo Bergson, è qui insomma in gioco, e l'aisis ha a che fare con l'aisis è nella parola synaesthesis ha a che fare con l'aisthesis, una percezione di una pluralità, e Bergson fa notare come in qualche modo Plotino sia un precursore della nozione moderna di coscienza come sintesi, come assimilazione, come comunicazione di una pluralità. Ainsi, l'on comprend que nous participons constamment, je cite Bergson, à la pure pensée, au nous, mais nous n'en avons pas conscience, car, dit-il, citant Plotin, autre chose est la pensée, autre chose est la conscience de la pensée. C'est le premier point. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est lorsque Bergson dit, à partir de son analyse de Plotin, que donc la conscience est coextensive à la vie de l'âme. Et pour appuyer son argumentation, il cite justement ce texte que nous venons d'étudier, page 74-75 du cours sur Plotin. La conscience est coextensive à la vie de l'âme. Et par essence, elle est donc quelque chose d'instable. Et cela revient toujours à dire qu'elle est une déchéance. Elle est l'effet et aussi le signe de la chute. Il cite Plotin, « Prendre conscience, c'est rester en dehors de ce qu'on saisit. » Et je continue en citant Bergson. Plotin s'appuie, donc il s'appuie là à ce moment-là sur le chapitre 11 du traité 31. Plotin a expliqué que pour comprendre la beauté, il faut se confondre avec le beau lui-même. C'est une union intime et une sympathie. Les choses qui tombent plus clairement sous la conscience sont précisément celles qui nous sont le plus étrangères. Ainsi, nous avons plus conscience de la maladie que de la santé. Allora, sempre Bergson, di cui viene fatta la citazione, per cui comprendere che si tratta di comprendere che noi partecipiamo costantemente alla dimensione del bello, anche se vi è una differenza tra il fatto di tra il semplice pensiero e il fatto di essere coscienti del pensiero mediante il quale partecipiamo al bello. E in questo senso Bergson fa notare come qui vi sia una coestensione, una coestensività tra la dimensione della coscienza e la vita dell'anima. Una coestensività che è caratterizzata da una instabilità costitutiva che ha a che fare con la caduta, che è l'effetto della caduta dell'anima. C'è coestensione tra la coscienza e l'anima, ma la coscienza è un effetto della decadenza dell'anima. Okay. La coscienza è un effetto della caduta. Perché l'anima non è più fusa con il bello, è caduta e quindi il bello gli è esteriore. Okay. E in questo senso prendere coscienza è essere fuori ciò di cui si è coscienti. Inoltre Bergson fa notare che per comprendere la bellezza bisogna essere appunto tutt'uno con la bellezza, e in questo senso vi è ancora il riferimento alla condizione della malattia come condizione appunto in cui si prende coscienza della condizione in cui si è del proprio corpo. Je pense que c'est... On a la conscience. Ah oui. Si ha coscienza di ciò che è più estraneo e fuori da noi stessi e meno di ciò che è se stessi. Ok. Sono precisamente quelli che sono i più estranei. Così siamo più coscienti della malattia che della salute, in quanto la malattia c'è più estranea ed esterna a noi. Et il conclut, la conscience implique toujours une extériorité du sujet par rapport à l'objet, et il dit, ça c'est le premier point, cette conception est diamétralement opposée à la conception moderne, d'après laquelle la connaissance adéquate, c'est la conscience, où il y a coïncidence parfaite du sujet connaissant et de l'objet connu. Or, pour Plotin, la conscience implique l'extériorité. Donc là, c'est intéressant. À la fois, c'est proche de la conception moderne, mais il y a une autre conception opposée à la conception. Et Bergson conclut que la conscience implique l'extériorité de l'objet et que, in questo senso, vi è una radicale opposizione rispetto alla concezione moderna della coscienza, a quello che è la misura in cui qui è in ballo un rapporto di adeguazione totale dell'oggetto del soggetto. Enfin, et c'est le dernier, troisième et dernier point, Bergson fait un rapprochement avec le connais-toi toi-même, le fait de se connaître soi-même. Il dit, page 77, penser signifie, penser et eux, pas penser le être, signifie pénétration des intelligibles les uns par les autres. Éclaircissons cette idée encore et en même temps la théorie de la conscience. Dans le traité 5.3, Plotin cherche la condition requise pour se connaître soi-même. Il trouve que ce n'est pas possible, que ce n'est possible que par une coïncidence de ce qui connaît avec ce qui est connu. Pour se connaître soi-même, il faut donc être un principe absolument simple. Il faut identité du sujet et de l'objet. Je vais laisser juste ça soumis à la réflexion, parce que je pense que je vais arrêter peut-être maintenant. Je voudrais justement faire le lien avec ce que je disais au début à propos du connais-toi toi-même. Donc, cette identité du sujet et de l'objet, c'est donc la conscience à son plus haut degré, la sunaesthésis, qui est synthèse de toutes les perceptions et qui en même temps même si elle ne peut être obtenue qu'après être passée par l'aesthésis ou par l'intellection, la dianoïa, ce moment de l'intellection et de la dianoïa est important, mais il n'est pas nécessaire. Et ce qui est le plus important pour Plotin, et ce qu'il faut essayer d'atteindre, et c'est là, je pense qu'il y a une différence enfin, d'intérêt en tous les cas pour ce que Bergson lit chez Plotin et pour Plotin, ce qui intéresse le plus Plotin, c'est la conscience. C'est pas la conscience, semble-t-il, c'est l'inconscience. Bien évidemment, il le décrit et il a donné cette théorie de la conscience, voilà, mais qui divise. Mais ce qui l'intéresse le plus, c'est l'inconscience, en particulier le moment où on n'est plus divisé. Et dans le connais-toi toi-même, ce que montre Plotin, mais ce qu'a évidemment très bien compris Bergson, c'est que se connaître soi-même, c'est s'oublier. Voilà. Traduco l'ultima parte. Allora, infine, il terzo punto di cui parla Bergson ha a che fare con il riferimento al conosci te stesso e presenta appunto il conosci te stesso come una sorta di piena penetrazione degli intellegibili gli uni da parte degli altri e quindi ancora una volta come una coincidenza tra conoscente e conosciuto con l'identità di soggetto ed oggetto e che appunto costituisce la coscienza nel suo più alto grado, come una sintesi di tutte le percezioni. E da questo punto di vista, e questa costituisce la conclusione dell'esposizione, la professoressa fa notare come sì, in Plotino la dianoia, l'intelligenza discorsiva, abbia sì un ruolo importante, ma non necessario, e come Plotino si è interessato in qualche modo soprattutto e prevalentemente dalla dimensione dell'incoscienza, ovvero da quella dimensione in cui non si è più divisi, e come in fin dei conti conoscere se stessi sia dimenticarsi. Facciamo un applauso anche a Daniele. C'est juste ce passage du traité 31 en fait où justement pour prolonger cela en fait s'oublier soi-même c'est être beau lorsque nous-mêmes nous sommes beaux c'est parce que nous nous appartenons à nous-mêmes tandis que nous sommes laids lorsque nous changeons de nature et passons à une autre et lorsque nous nous connaissons nous-mêmes nous sommes beaux mais nous sommes laids comme quand nous nous ignorons nous-mêmes. Donc, se connaître soi-même, c'est... Ça, c'est la toute fin du traité, c'est toute fin du traité... Je peux traduire en italien, c'est les... Alors, attendez, c'est les lignes... Oui. C'est les 13. Dans la fin. Ouais, et c'est les lignes... 19... Io credo dove dice che conoscersi è essere belli e così anche tra noi quando stiamo belli questo ma di leggo. Lo leggo però veramente non mi suonava con la traduzione col francese. E così anche fra noi quando siamo belli è così anche fra noi quando siamo belli è perché apparteniamo a noi stessi quando siamo brutti è perché ci mutiamo in un'altra natura siamo belli quando conosciamo noi stessi brutti quando ci ignoriamo la bellezza dunque è lassù e proviene di lassù. Bien. Bene, allora io ringrazio ovviamente tantissimo per questa esposizione appassionante, veramente coinvolgente. Ringrazio nuovamente anche Daniele Poccia perché ha dovuto, come dire, si è esercitato in un compito improbo, una traduzione praticamente simultanea non era semplicissima. E noi io direi di mantenere il nostro programma, cioè abbiamo qualche